Queen, I Want It All, dans le double expresso RTL 2. C'est l'heure de la banque RTL 2. Bonjour Clotilde. Bonjour Grégory, bonjour Justine. Et salut Clotilde. Ça va? Ah oui, ça va super, c'est super content d'être avec vous. Ah ouais, mais nous aussi, plaisir partagé, on est très heureux de vous accueillir ce matin. Vous êtes la première à jouer à la banque depuis le retour, là, après les vacances de la Toussaint. Comment ça se passe? Vous faites quoi ce matin? Vous partez bosser? Vous êtes déjà au travail? Racontez-nous. Non, aujourd'hui, je suis en repos. Ah, très bien. J'ai été soignante à domicile et c'est mon jour de repos. Et vous levez tôt, il y a des enfants? Il y a un enfant, ouais. Ah, c'est pour ça qu'on s'est fait. Un enfant de quel âge? 5 ans. Ah oui. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? J'adore faire du vélo. Ah, bah pourquoi? J'adore la pourquoi? C'est cool le vélo. Ah oui, c'est cool, c'est génial, évidemment. Et la cuisine, ça que vous avez dit? La cuisine aussi, j'adore. Vous êtes faite pour vous entendre avec Justine Salmon, mes enfants. Il y a à gagner jusqu'à 10 000 euros ce matin, des vacances au ski en famille. Il y a évidemment des téléphones, des tablettes, plein de belles choses. Attention au coffre vide, Clotilde, vous connaissez la règle. Une minute pour jouer. On y va? On y va. Allez, bonne chance. Top chrono, une minute, coffre 1. Un séjour au Futuroscope pour 4 personnes. Eh ben. Allez. Je passe. Vous êtes sûr? Oui. Bon, bah, coffre 2 alors. Un bouquet de fleurs. Sympa. C'est bien, oh, mon ça. Mon mari va m'en offrir. Je passe. Vous avez un mari, voilà. Sympa. Ça sera pour lui. Coffre 3. Une Xbox One X. Oh, une belle console de jeu. 500 euros. Oh. Mais on n'est pas trop console, tant pis, je passe. Bah, donnez-la-moi, coffre 4. Un séjour pour 4 personnes à Risoul, 1850. Wow. 1100 euros le séjour. Appartement. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez un appartement de loc pendant une semaine. Les dates, bah, on ne peut pas tout vous dire là. Il reste 30 secondes. Vous avez un petit peu de temps pour le prendre, mais il reste que 13 secondes. Il faut faire vite. On passe? Oh là là là, coffre suivant. Oh là là là là là là. Oh non. Ah, c'est horrible. Mais vous avez dit, je le prends. Ouais, bah oui, j'ai eu un remords. Je sais pas où il y a de l'argent derrière. Mon petit cœur, il saigne. Bah oui, mais moi, en même temps, je comprends. Mais oui, non, mais c'est le jeu pour aller chercher, évidemment. Ah, c'est dur. Ah, les vacances à Risoul dans les Alpes du Sud, c'est un beau cadeau. Ça tombera peut-être très rapidement. On vous embrasse. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah, bah non, il n'y a pas le coffre suivant. Bah, c'est tombé. Oui, c'est vide. Bah oui, j'aime pas ça, je suis pas habitué. On repart pas les mains vides. Un mug du double expresso RTL2. Et on vous offre également une enceinte Color Prism de Big Ben Connected. Voilà, c'est pour okay, vous. Merci. On vous embrasse, on vous fait un gros bisou, Clotilde. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un double expresso. Des rêves oubliés, la voix. je retombe. Raise Me Up sur RTL2. RTL2, les savoirs inutiles. Pour briller à la machine à café. Du mystérieux et de l'étrange ce matin pour les savoirs inutiles, ambiance. X-Files, la vérité est ailleurs. Bonsoir. Eh, je fais flipper, hein. Non. Comme d'hab, comme d'hab. Un sujet qui fascine tout le monde. Peu de gens le savent, mais tous les jours sur Terre, et en ce moment même, nous faisons des rencontres du troisième type. C'est-à-dire ? Puisque chaque jour, entre 50 et 100 tonnes de matière extraterrestre s'écrasent sur l'atmosphère. Mais non ! Alors, quand je dis ça, ne pensez pas que vous allez croiser E.T. en allant déposer les enfants à l'école ou faire vos courses. Oh bah moi, j'en croise avec des jogging et des boom boots. Ça veut dire que ça vient d'ailleurs. L'essentiel des retombées de matière extraterrestre sur la Terre se produit sous la forme d'une pluie continue de particules de très petite taille appelée suie météorique. Ah ouais, la suie. La suie D'accord, météorique. D'accord, comme quand on fait un feu de cheminée. C'est ça, ou pour certains. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ah oui, la poudre de perlimpinpin. Ah, bon, on a compris maintenant la poudre de perlimpinpin. Voilà. Ça vient de là, la poudre de perlimpinpin, c'est la suie météorique. D'accord, merci Justine. C'est fou ça. Hein, c'est fou. Oh, c'est fait flipper, j'ai des frissons. Moi aussi, ça me... Cette musique m'angoisse. False Garden, pas celle-ci, hein, celle de X-Files, je précise. Lemon Tree, ça m'arrange. Et aussi LSD, Boulevard des Arts, les Clash, c'est le double expresso RTL2. Ça fait plaisir d'être avec vous. Bonjour, bon réveil. RTL2 a été la première radio en France à vous jouer ce titre d'Imagine Dragons. Ce titre de Jane, vous l'avez entendu pour la première fois sur votre radio. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Muse. RTL2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. On a pensé à vous, avec ces cookies Nougatine Netto fabriqués à partir de farine de blé français. Leur prix ? 69 centimes seulement. Avec nos 3000 produits Netto, on répond à tous vos besoins du quotidien. Netto, le discounter qui fait la différence. 200 grammes, soit 3,45€ le kilo. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Netto vous rembourse deux fois la différence. Modalité sur netto.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Alors, comment allez-vous depuis la dernière fois ? Ils ont recommencé. Les prix, ils ont encore baissé les prix. Et en ce moment, la pose de la fenêtre est à 1 euro. Vous vous rendez compte ? 1 euro, ils ont mis. Ah ! Jusqu'au 26 novembre, c'est la folie des prix bien faits chez La Paire. Et la pose de votre fenêtre en aluminium est à 1 euro. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Concession BMW, 10h12. Ici, vous avez la série 5. Ok, j'achète. 11h16. Je vous présente notre superbe BMW. C'est bon, je la prends. 13h02. Pour découvrir le plaisir de conduire. Oui, mais elle est pour moi. Pas de temps à perdre. Rencontrez-vous aussi la voiture qui vous fera craquer pendant les BMW Speed Dating chez votre concessionnaire BMW. Pour profiter de nos offres coup de cœur avant tout le monde, inscrivez-vous jusqu'au 9 novembre sur bmwspeeddating.fr. Ne faites pas attendre votre prochain coup de cœur.